Bonsoir les amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terrain Incognita à CKRL 89.1 à Québec. Et ben, la famille est grande ce soir et vous êtes toujours en compagnie de Bruno à la mise en onde. Et il y a Marc Chaunet qui est là et bonsoir. France Carrier. Bonsoir France, bonsoir Jean-François. Ainsi que moi-même. Oui. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ben oui, auditrices, ben oui surtout. Ben là, c'est sûr qu'il y en a. Ben oui. Je l'espère que je suis pas tout seul. Non, c'est ça, il y a France qui appelle quand je fais des erreurs, là, mais il n'y a pas que France qui écoute. Non, mais il faut dire que ton erreur était justifiée parce que c'était un petit changement de dernière minute là, qu'il y avait eu. Là. Je m'étais fait prendre avec la petite pub là, des productions... avec Proc-Québec, là, Proc-Québec qui fait venir pas mal de shows de prog de ce temps-ci. Oui. Proc-Québec, tu dis? Proc-Québec. Oui, c'est la capitale du prog. La capitale du prog. Il me semblait que... Parce que Proc-Québec, c'est Terrain Incognita, là, hein, c'est ça? Ben, pas tout à fait. Non, c'est à Montréal, Proc-Québec. En fait, c'est même Proc-Montréal. Mais finalement, ça montre que Vivant. La santé de la musique progressive est très vivante parce que, bon, mais France, tantôt, va nous énumérer là, un paquet de shows qu'il y a. Mais pour l'instant, on va parler d'une nouveauté là, qui est vraiment nouvelle. Yes. Unreal City. Je n'ai pas encore entendu, en plus. Le nouveau Unreal City... mon Dieu, 58 sur 100, je ne l'avais même pas vu. C'est parce qu'il est tout dédicacé. Parce qu'il faut dire que France avait souscrit l'été passé après leur passage. France avait fait son paiement. Puis c'est une, pour les aider à enregistrer leur second album en New City, hein, ce groupe. C'est une façon qui est quand même qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'un groupe comme ça, faut comprendre qu'ils ne vivent pas de leur musique. Puis ça coûte de l'argent. Préparer un disque comme ça, l'enregistrement, surtout c'est un disque de 70 minutes, donc il y a beaucoup d'enregistrement là-dessus. Et c'est une superbe pochette qu'on appelle le mini LP, autrement dit comme un petit vinyle. Là. Puis ça, c'est un packaging de luxe. Là. C'est beaucoup plus cher, ça. Et ils ont décidé de faire ça de cette façon-là. Et chacun des membres a signé avec « Merci pour votre support ». 58 sur 100, je ne l'avais même pas vu. Et France a reçu ça cette semaine. C'est copie numérotée, wow. Ouais. Une copie numérotée. C'est sûr que ça revient beaucoup plus cher, là, mais quand même, c'est une façon de supporter un groupe. Il y a déjà beaucoup de gens qui disent que ça risque d'être dans le top là, des meilleurs albums de 2015, là, puis c'est à peine sorti. Archive l'a critiqué, puis très bon. Oui. Oui, même mieux coté encore que l'autre. Quel premier. Il faut dire que, suite au lendemain de leur participation à la Convention Terrain Incognita, puis ça avait été quand même un show là, qui avait été très remarqué. Là. Ils ont quasiment volé le show à Fabio Zuffanti. Puis, ça, faut pas exagérer, c'est un vétéran, Fabio. Là. Mais quand même, pour des jeunes comme ça qui n'étaient pas connus plus que ça, on peut dire qu'ils ont quasiment volé le show. Mais ils étaient très excités parce que. Il y en avait deux pièces qu'ils avaient présentées de cet album-là en. Oui. En primeur, là, en fait. Oui. Mais y a une pièce de 20 minutes là-dessus, mais c'est pas celle-là qu'on va entendre ce soir. Et une autre belle nouveauté aussi qu'on va entendre tout de suite après, c'est le nouveau Baird Fish. Wow, oui, c'est ça. J'en ai fait jouer une pièce la semaine dernière. Il est vraiment excellent. Hein? Ben oui. Plus 4626 Comfort Zone. Exactement. Là, on va entendre la pièce If We Must Be Apart. De Baird Fish, mais on va écouter de Unreal City, Oni Ranzia. We'll be right back.

songs about him from time to time. She remembered that night when she found him laying, curled up like a ball inside a circle of candlelights. He wasn't dead, he wasn't there, it wasn't him no more. Couldn't speak from all the pills he'd swallowed. The sight of his harrowed face could have made her sick. When she sat by his side, holding his hand, the only words she could decipher were black magic. She reads the letter again. She knows it now by heart. Keeps it in a drawer along with some old photographs. It's a picture of a younger her together with someone she once loved. He lost his mind when he said it was because of her. She looks into her newborn daughter's eyes. She still thinks about him from time to time. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Sortez vos trompettes et vos ceintures fléchées, Bonhomme s'invite à la Ninkasi. Le vendredi 13 février, MR Événement vous convie à sa dégustation de bière et de saveurs carnavalesques. Les bouchées seront une exclusivité d'Équilibre Service Traiteur. L'animation sera assurée par le sommelier Sylvain Bouchard du Nébrou, avec la participation spéciale de Bonhomme. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et via la page Facebook de MR Événement. Le 13 février, les festivités commencent à la Ninkasi du Faubourg. Kitkuna présente le spectacle Le Voyage d'hiver les 18 et 19 février au Grand Théâtre de Québec. Je traîne mon âme dans le calcium et crie aux gens que je suis mort. Des textes de Kitkuna sur la musique du Winterreise de Franz Schubert, avec 11 musiciens et danseurs dans une mise en scène d'Antoine Laprise. Je file dans l'hiver qui me guide de fil en fil. Billets disponibles sur kitkuna.com. Et nous sommes de retour après ce beau bloc là, composé d'Unreal City et Beardfish, le nouveau Beardfish. Et c'était vraiment très bon. Hein? Oui, c'est vraiment excellent. Beardfish, ouais. Là, c'est à recommander. Puis je pense que Unreal City aussi, là c'est les deux albums du mois. Là. Franchement, que ces deux disques-là. Hein. Ah, ben il y a de quoi se bourrer les oreilles pendant un bon bout de temps avec ça. Là. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses, d'autres bonnes choses qui s'en viennent. Et d'ailleurs, Beardfish, on va en entendre une autre pièce qui vient du deuxième disque, qui est un disque bonus qui contient des pièces dans leur version démo. Mais c'est généralement pas des pièces qui ont été présentées non plus sur d'autres albums. Et aussi des pièces inédites, mais qui ont été enregistrées à partir de 2002. Donc, ça fait un petit bout de temps depuis les débuts du groupe. Là. Et pour ce deuxième bloc, on va écouter un peu de Elephant of Scotland, qui seront à la convention Terra Incognita. Eux qui ouvrent la première journée le samedi. Oui. C'est le 16 mai, c'est ça, France? Oui, le 16. C'est elle l'experte, là. Elle connaît tous les shows qui s'en viennent. Oui, oui, c'est Madame Facebook qui... Madame... Non, elle nous fait découvrir même les primeurs là, de spectacles qui s'en viennent. Oui, disons que France invite sur le piton quand c'est temps des billets. Mais, moi, j'ai hâte de les découvrir. Moi, je ne les connais pas, les Elephants of Scotland, mais c'est, comme tu me disais, c'est un bon album. Ils sortent un DVD dans pas grand temps, en mars, début mars, je pense. Ah okay. Oui, c'est vrai, on avait vu ça sur leur site. Ouais. Mais ça va sûrement être en vente aussi quand ils vont venir nous voir au mois de mai. Ça, c'est leur second, là, qui est paru en 2014. Exactement. Et je ne sais pas de quoi ça a l'air, des éléphants d'Écosse. De l'Écosse, non, mais... Parce que les éléphants d'Asie ont des petites oreilles, puis ceux d'Afrique ont des grandes. Hein, surtout que c'est présenté par des Américains, là, ça risque d'être gros, là. Oui. Oui, mais on parle encore de Facebook et des patineurs sur Facebook. Tu as eu des échanges un petit peu avec monsieur, là, c'est monsieur McDonald. Hein? Dan McDonald qui joue de la basse et qui chante aussi. Et on lui a fait savoir qu'on avait hâte de les voir à Québec. Hein? Puis ils commencent à tenter le terrain un peu. Là. Ils sont fébriles. Oui, je pense que ça va être le fun. En tout cas, ils ont de l'air amusants. Mais les groupes américains qu'on a vus jusqu'à maintenant, je pense qu'on a eu des belles surprises. La Basson, Marsolo, ça avait été... Super avec Chiquan, là, le bassiste. Kerry Chiquan. Ben, d'ailleurs, Kerry Chiquan... Green, ça avait été intéressant aussi. Puis l'année passée, on a eu le mélange Mexique-États-Unis. Là. Avec Sonu Sombra. Sonu Sombra. On a des belles surprises. Les groupes américains, il y en a des sacrés bons. Ben oui. Et pour se donner le temps d'écouter beaucoup de musique, on va y aller immédiatement avec Elephant of Scotland et l'album Execute and Breath. Et on va entendre la pièce Amber Wave et on va poursuivre avec Beardfish, le deuxième disque, le disque bonus. Et on va terminer ce bloc avec Lunatic Soul, qu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter encore, le nouvel album qui s'appelle Walking on a Flashlight Beam. Tower that maintained her. Her tears are all run dry, and the power that enslaved her has fallen like a cold November moon, fallen like a cold November moon. Walks on by, and a team of ghosts surround her. They're learning how to fly, and they wish she could advise them how to soar, soar like a balloon. Amber says, I'll try, and hurls herself skyward. Amber waves goodbye, and off she goes. sat heavy in its gold. The team of ghosts held her down, saying, "You abandon us, now you're one of us." ticking. And though it's cold, there is work to be done in your factory. Yeah. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Sortez vos trompettes et vos ceintures fléchées, Bonhomme s'invite à la Ninkasi. Le vendredi 13 février, MR Événement vous convie à sa dégustation de bière et de saveurs carnavalesques. Les bouchées seront une exclusivité d'Équilibre Service Traiteur. L'animation sera assurée par le sommelier Sylvain Bouchard du Nébrou, avec la participation spéciale de Bonhomme. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et via la page Facebook de MR Événement. Le 13 février, les festivités commencent à la Ninkasi du Faubourg. Eh bien, on est revenu et bon... C'était un moment assez planant avec... Ben oui. Comment il s'appelle déjà? Lunatic son... Soul. Lunatic c'est... Soul, oui, ouais. le nom du chanteur. C'est Marius Duda. Ah, Dudas, oui, c'est ça. Là. Le chanteur de Riverside. Et bon, c'était plus planant que je l'avais prévu au départ parce que c'est pas cette pièce-là que je voulais mettre. Ça, c'est la pièce qui ouvre l'album et il s'ouvre assez lentement. Ce qu'on a découvert dans la dernière partie, ça ressemble plus à ce que cet album-là a. Et la pièce que j'avais choisie était un peu plus représentative. Quatrième disque, moi j'aime bien, surtout le premier et celui-là. Le troisième était instrumental, c'était des chutes des deux premiers. Beaucoup moins bien réussi. D'ailleurs, on comprend pas comment est-ce qu'un gars comme ça fait un album instrumental avec une voix comme ça, là. Je pense que Riverside doit revenir cette année. Hein, Madame Potin? Là. Madame Potin? Oui, j'ai lu ça quelque part. En parlant de Potin, peut-être qu'on peut passer au concert qui s'en vient. On a pour 2 minutes à peu près. Ça débute déjà au mois de février. Hein? Oui. Le 26 février à l'Impérial, il y a Daniel Morsben et en première partie Mystery. Le 12 mars au Grand Théâtre, il y a Allen Person Project. Le 11 avril à l'Impérial IQ. IQ, le retour d'IQ. Le 28 avril, que les billets ont été mis en vente cette semaine, Aken et Spock's Beer. Le 15 mai au Théâtre du Petit Champlain, que les billets ne sont pas encore en vente, c'est Magma. Un groupe français, là. Un groupe français. Qu'on a eu l'occasion de voir. Qui roule depuis les années 70. Oui. Ben oui. La convention Terra Incognita, le 16 mai, c'est toujours au Centre d'art La Chapelle. Il y a Annick Dutton, Elephants of Scotland, puis un autre groupe à venir. Le 17 mai, Frog Café, Il Castello di Atlante, puis Kepa da Capo. Caipa de Capo, oui. Et oui, avec les 3 membres d'origine. Oui. Ouais. Le 21 juin, au Centre Bell, il y a Roche. Et le 29 juin, les billets vont être en vente jeudi, le 5 février, Steven Wilson. Oui, ça, c'est à l'Impérial de Québec. À l'Impérial. Ça a été annoncé dans le journal cette semaine, là, donc Steven Wilson à l'Impérial. Ben oui, le mec avait acheté leurs billets pour Montréal. Pour Montréal, oui. Mmh. Pour le Festival de jazz de Montréal. Oui. Une petite exception, Steven Wilson, le parterre au complet est debout et les sièges réservés vont être au balcon. Bon, il y a peut-être un public plus jeune. pour les plus vieux, disons que. On va pouvoir danser avec les jeunes. Ouais. Bon, on va entamer ce troisième bloc avec Heliopolis, City of the Sun. Ben, Heliopolis, c'est le nouveau groupe de Kerry Chiquan qu'on avait eu la chance de voir avec... On parlait tantôt avec Marsolo, de Marsupolo. Ouais. Et Kerry Chiquan qui nous avait épaté avec son hyperactivité. Chiquan qui courait d'un côté à l'autre de la scène, et il serrait des mains, il donnait des disques... C'est ça qui a fait rire tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il jouait de Sarikon Baker comme un dieu. Il joue très bien de la basse, ce gars-là. Là, J'ai entendu des bonnes critiques de Heliopolis. Là. C'est une nouveauté, en fait, américaine. Oui. Très, très bon disque. C'est Tiff de Sun. D'ailleurs, on avait écouté un extrait lors de ma dernière émission. Ça s'appelait New Frontier. Là, on va entendre Love and Inspiration. Et après ça, ben, ça va être Perfect Being. J'ai mis juste des pièces courtes jusqu'à maintenant. Mais là, je suis vraiment emballé par ce disque-là. Ça me sort pas de la tête. Et là, je vois France qui s'étire. Là, un des meilleurs. Là, parce que France, elle y va aux pochettes. De 2014 hein. Oui, moi, aussi. Moi, je suis aux pochettes. Bon. Là, on va en écouter une un peu plus longue. Là, mais avec une guitare qui sonne beaucoup, beaucoup le Yes. Et ce bloc va se terminer avec Devin Townshend qui... c'est assez décapant, Devin Townshend. C'est un album triple. En fait, c'est son nouveau disque, mais ce qu'on va entendre, ça vient d'un disque bonus. Et c'est son Dark Matter là, qui ressort, là, mais en format raw. Là. Donc, sans tous les commentaires, parce que c'est comme une sorte de pièce de théâtre. Bien, on débute ce bloc avec Heliopolis. We'll be right back. up like clouds overhead. I'm not even out of bed. The sheets are lead, the pillows granite underneath my head. And I don't wanna wake up now, I just wanna close my eyes again. Then it comes, it hits me like a ton, a blinding flash of love and inspiration. The writing's on.

Eh oui, oui, oui, c'est... Alors, oui, c'est Jean-François, tu nous as présenté, ouais, c'est un opéra métal. Ben oui, c'est sur des notes métalloïdes. David Townshend, mais c'est toujours un petit peu comme ça, c'est son dernier disque, ça fait quelques semaines que je l'ai, mais ça ne va pas donner pour le faire jouer. Il faut dire que c'est pas nécessairement passe-partout. Et donc, c'est une version triple qui est sortie comme ça. C'est l'album, c'est Z2. Z2, autrement dit. Mais il a inclus aussi la suite d'un disque là, qui s'appelait Ziltoid et Dark Matter. Et on retrouve deux versions là-dessus. Il y a la version théâtrale avec tous les commentaires. Là, les narrations et tout ça. Oui, ouais. C'est une forme d'opéra métal. Ouais. Et cette version-là, ben, du troisième disque, ben, c'est la version sans justement tout ce, c'est que la musique. Les commentaires. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est ça, c'est les chansons en réalité. Donc, c'est ça qu'on a entendu. Et ce disque-là a le suffixe « raw », donc « cru » ou « rough », si on veut. Et ben c'est un genre, hein? Ça vous a surpris un petit peu. Non, je oui, pense ça avait ici, l'air bon, là, par exemple. Ah, non, oui, non, bon. C'était entraînant. Ben oui, France a bien aimé ça. Mais, on aime ça le gothique métal. Ouais. Non, mais pas tant que ça. Mais il faut dire que c'est toujours bien fait. Devin Townshend, oui, c'est ça. C'est toujours. Alors que l'album, comme tel, c'est un petit peu plus. Un peu plus pop, disons. Mais ça s'écoute bien, en autant qu'on aime ça, les guitares un peu pesantes. Là. Mais c'est un bon musicien. Et, on l'a connu un petit peu plus avec Arianne. OK. Arianne Anthony Lucassen. Bon, excellent, Bruno. C'est Bruno qui me disait des petits mots doux à l'oreille. Et c'est... Et c'est le temps des potins, Madame Potin. Madame Potin, oui. Parce que la prochaine pièce, ça va être une pièce de Jellyfish. Et c'est bien ça. Ça s'appelle Genèse sur leur album Symbiose. Moi, un petit potin comme ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutent la voix. Pas moi, en tout cas. Mais peut-être que je vais l'écouter cette semaine. Parce qu'on a vu certaines publicités passer et on a vu le chanteur de Jellyfish, Sid, qui devrait passer à la voix cette semaine. Ben oui, disons que c'est, sur les réseaux sociaux, on avait entendu dire que Sylvain Bédard, alias Sid, avait participé à la voix. Et comme tu dis, la publicité, ben, on l'a entrevue là, pendant quelques on secondes. On l'a vu deux fois. Ben oui. Fait qu'une des bonnes voix du rock progressif au Québec. Oui. Sid, avec Jellyfish. Mm-hmm. Ben, peut-être que je vais faire une exception cette semaine. Et bon, ben, on va entendre, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, là, on va entendre de Symbiose, la pièce Genèse de Jellyfish. Puis on va se gâter un petit peu aussi, on va entendre un deuxième extrait de l'album d'Unreal City, un beau disque qui s'appelle Il Paese del Tramonto. Et on va écouter Chameleon aussi, qu'on avait écouté précédemment, dans une pièce qui s'appelle Pass Through the Colombian Mountain. C'est un disque qui s'appelle Rising, et j'en parlais tantôt à Marc, et c'est un disque qui a été enregistré dans les années. En fait, c'était pas un disque, c'était comme une compilation de tout ce que le groupe a enregistré pendant son existence. Mais c'était jamais paru là, hein, officiellement en CD, en vinyle à ce point-là, non? Non, à même ce moment-là. Pas. Non. Donc c'est paru l'an dernier, en 2013. En 2013, oui, puis j'ai mis la main dessus seulement récemment. Je savais pas ce que c'était. Tu ne jamais avec une transition vers l'autoroute avec ça? Oui, mais juste avant de terminer, on va écouter, parce que, parlons encore un petit peu de potin, il y a eu des décès, outre Denis Barry, dont, notre collègue dont on a parlé beaucoup, il y a eu d'autres décès aussi, il y a eu Edgar Froese de Tangerine Dream qui est mort d'une embolie pulmonaire. La semaine dernière. Mm-hmm. Oui, c'est son fils Jérôme Froese qui aurait... sorti la nouvelle sur son site. Et juste pour l'anecdote, j'avais lu il y a plusieurs années qu'on disait que Pink Floyd avait été influencé par Tangerine Dream. Ah oui. Au moment d'enregistrer Wish You Were Here, et avec le recul, quand on y pense, c'est vrai que Shine On You Crazy Diamond, ça commence dans un style assez Tangerine Dream. Ah oui, avec les claviers. J'avais jamais fait le rapprochement, mais... Ben oui, c'est pour ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Moi non plus, j'avais pas pensé. Mais... Et il y a eu aussi un autre décès, c'est Demis Roussos. Et pour beaucoup de monde, c'est un... Une espèce de chanteur de charme, là, mais tout ça. Mais il a chanté du rock progressif avec Vangelis dans Aphrodite's Child. Ben oui. Vangelis était claviériste. Il y avait un groupe de prog ensemble dans les années 70. Exactement. Et Aphrodite's Child, oui. L'excellent 666, hein? ça va aller dans... Ben oui. On va suivre avec le métal, là, 666. Exactement. Donc, on débute avec Jellyfish. Il n'y a rien... Que le vide de mon existence, le temps s'est arrêté, une pause infinie, le trou noir laissé par ton absence a englouti la lumière de mon univers. Seul espoir de retrouver le chemin. We'll be right back.

horseman held the bow. And when the lamb opened the second seal, I saw the second horse. The horseman held the sword. The leading horse is white, the second horse is red, the third one is a black, the last one is a green. The leading horse is white, the second horse is red, the third one is a black, the last one is a green. And when the lamb opened the third seal, I saw the third horse. The horseman had a balance. Sur ces notes d'Aphrodite Child et la voix de Miss Roussos, que l'émission se termine. Et restez à l'écoute pour l'autoroute. Et pour l'instant, on vous souhaite bonsoir. Bonsoir. Une bonne soirée. Merci à Bruno et merci surtout d'avoir été là. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Vincent. Et donc, Marc nous a quittés. Oui. rl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Okay. J'essaie de rentrer par infraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essaie de défoncer. Et c'est là que la police est arrivée en grand nombre. On ne savait pas que le char était pris dans la salle.